Vous aimez être à la pointe du raffinement ? DS Automobile présente DS7 Crossback. Avec ses projecteurs ciselés tels des pièces de joaillerie et ses feux tridimensionnels en forme d'écaille, ce SUV d'avant-garde incarne le savoir-faire français. Paré de matériaux nobles, comme le cuir Napa sublimé par des coutures point perles, l'alcantara ou le cristal noir, DS7 Crossback signe un intérieur haute couture. DS Automobile vous convie à essayer DS7 Crossback dans son nouveau réseau exclusif. Détails sur dsautomobile.fr. Bonjour Raphaël, bonjour à tous. Quel 10 mai avez-vous choisi ? Évidemment, le 10 mai 1940, premier jour, mais oui, de ce qu'on devait appeler la bataille de France, une date charnière de l'histoire contemporaine, évidemment. Ce 10 mai, donc, Hitler lance sa grande offensive sur l'Europe occidentale, et notamment la France. La Wehrmacht envahit d'abord les Pays-Bas, le Luxembourg, la Belgique, avec l'appui massif et ciblé de la Luftwaffe. On ne peut pas dire que, pour le commandement français, cette offensive ait été vraiment une surprise. Aussitôt, ça fait des mois, qu'on attendait ça. Aussitôt, les troupes françaises volent au secours de la Belgique, ce qui nous a pris de court, en dépit des avertissements répétés d'un certain colonel de Gaulle. C'est l'efficacité foudroyante du duo char-avion et la ruée des Allemands sur des Ardennes réputées infranchissables. Des Allemands qui peuvent, dès lors, prendre à revers les troupes françaises et britanniques qui sont engagées en Belgique. La bataille, si je vous comprends bien, est donc très rude. Ah, ça n'est pas une promenade de santé. Il ne faut pas que le succès spectaculaire de la guerre éclair allemande, succès qui devait conduire à la débâcle que vous connaissez finalement, à l'armistice du 22 juin, il ne faut pas que tout ça nous fasse oublier l'extraordinaire âpreté des combats parmi les plus sanglants de toute l'histoire. Redisons-le, à cette occasion, les troupes françaises se sont souvent montrées héroïques en 1940, ce que le résultat des combats, évidemment, aurait tendance à nous faire oublier. Franck, on vous retrouve tout à l'heure, 14h sur Europe 1. Oui, pour une heure avec Yann Kefelec sur le champ de la bataille d'Auray, dans un moment crucial pour le duché de Bretagne.